Jean-Paul Fargier, peut-être que tu pourrais maintenant nous dire un peu quel est ton propre parcours en 68, au-delà, ton parcours de cinétique vers la vidéo, et avec, en l'occurrence, jusqu'à la Fondation, avec Daniel Jégy, qui est ici, à gauche, voilà, aussi de Jean-François, jusqu'à la Fondation, en 73, des Sans-Fleurs. Bon, alors pour moi, là, il y a la vidéo avant Daniel, et avec Daniel, voilà. Donc, mais avant, c'est-à-dire, bon, on se connaît en 71, et on a commencé à faire la vidéo plutôt en 73. Toi, tu continues à faire des films véhicules. Mais moi, je suis tombé sur la vidéo par Godard. J'étais critique de cinéma. En 68, j'étais à la Cato, j'étais en théologie. Tribune socialiste. Et son tribune socialiste sur le truc de Maspero. Voilà, et j'écrivais dans Tribune socialiste depuis début 68. Et du PSU, il faut préciser parce que tout le monde ne sait pas forcément, il y a des étudiants. Et je vendais. J'étais content de vendre mes articles pendant mai 68. C'était mes premiers articles de critique, et puis on demandait Tribune socialiste. Bon. Et puis à la rentrée de 68, Godard appelle la rédaction de Tribune socialiste et dit j'ai vu que vous préparez une semaine du cinéma politique. C'est Jean Collet qui avait fondé le cinéma national populaire au Studio 43. Plus tard, ça sera le Studio 43. Et il confiait des programmes à des revues. Et comme je connaissais Jean Collet depuis Nîmes, où il venait faire le ciné-club quand j'étais à Nîmes, et il m'a dit, tu veux pas faire un programme? Donc j'ai fait un programme de films de mai 68 en novembre 68. Et j'avais commencé à prendre des contacts à Noun, les films de militants, des différents groupes, trotskistes, pas trotskistes, etc., PC. Et puis Godard, il devait vraiment lire toutes les revues, il a vu qu'il y avait l'annonce. J'ai fait un film sur mai 68, est-ce que vous voulez le passer? Alors, avec mon collègue, on était deux étudiants à faire cette chronique de cinéma. On a foncé chez lui, il nous a donné un film comme les autres, on l'a projeté, je me rappelle, bon, cette séance et tout ça, c'était vraiment formidable. Après, il nous l'a laissé. Après on a fondé une revue, juste en décembre 68, qui était Cinétique. Et précise peut-être les autres personnes qui étaient dans le... Avec Leblanc, on a fondé ça, mais Leblanc n'était pas au départ. Et je vais une deuxième fois voir Godard au printemps 69 pour une interview pour Cinétique. Et là, Leblanc et moi, on tombe sur Godard en train de tripatouiller cet appareil qu'on a vu dans le film de Claudia Hallmann, donc un 2100, je viens d'entendre le nom et je l'avais oublié. Bon, voilà. Et il nous explique, il était avec Fromanger, le peintre, avec qui il avait déjà fait quelques films pellicules, qui sont parfois montrés au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, je suis tombé une fois là-dessus. Et ils étaient en train de tripatouiller le son des... C'était l'époque après le référendum que De Gaulle avait perdu, les élections législatives. Et là, ils faisaient des clips, on les appelait pas encore comme ça, mais des ciné-tracts, des vidéotracts. Et voilà. Et puis il nous a dit, mais arrêtez le cinéma, faites ça. Le cinéma, c'est foutu, il faudra faire de la vidéo. Il y avait un côté très prosélyte, et je connais des gens qui ont arrêté le cinéma pour faire de la vidéo. Parce que Godard leur avait dit... Allez-y, faites de la vidéo, etc. Moi, j'en connais. Voilà. Bon, Des noms. Quelqu'un qui s'appelait José Martinez, qui était prof à la fac de Toulouse. Il est mort depuis, mais il était mathématicien. Et il voulait faire du cinéma. Et il s'est mis à faire du cinéma. Il a fondé une boîte de prod qui a été active pendant des années. Voilà. Et donc, c'est la première rencontre avec la vidéo, c'est Godard. Et... En même temps, avec Le blanc, on était devenu les critiques de cinéma clandestin de l'idiot de Jean Dernalier. On signait dans un pseudonyme, ça nous horrifiait d'écrire là-dedans, mais il payait bien. Donc, on écrivait des trucs. Et on a écrit nos premiers articles sur la vidéo dans l'idiot international, sous le pseudonyme de KKK. Voilà, donc vous pouvez chercher. Si mais oui, mais je ne savais pas que c'était toi et c'était Vive la vidéo à Bal Cinéma. Et celui qui nous soufflait notre idéologie, après Godard, c'était un certain Alain Jacquier, qui était aux Beaux-Arts, qui était un technicien. Paul, on en parlait avec lui, avec Paul tout à l'heure, de Jacquier, etc. C'est quelqu'un qui avait une sorte d'intégrisme de la vidéo. Et il nous parlait des derniers matériels qui allaient sortir. Il nous dit, il faut que vous en parliez. Etc. On a écrit des trucs, la guérilla vidéo. Et Jacquier nous a dit, mais je peux vous passer un appareil. Il a dit que c'était celui qui passait à Godard. Ça doit être celui-là, le premier. Peut-être c'est celui-là. Et avec ça, on est allé... Le gris, pas nous, le rouge. Cette revue de cinéma marxiste-léniniste voulait... faire une revue vidéo en plus de la revue papier. Donc tous les interviews qu'on faisait, on les doublait en vidéo, et pas seulement avec notre mini cassette. Et on a interviewé comme ça Jean Rouch, Glober Rocha, Paul Seban. Rouch s'est laissé filmer en vidéo ? Ben oui. Il savait pas. Et qu'est-ce que vous a dit Glober Rocha? Alors Glober Rocha, on était dans un hôtel derrière Gilbert Jeune, là il allait Saint-Michel. Saint-Michel. Et on l'interviewe pendant. Et puis nous on était très marxiste-léniniste, dogmatique, et on lui posait des questions comme ça sur. Il n'était pas assez révolutionnaire, tout ça. Et au bout d'un moment, il explose. Il nous dit mais. Mais comment on peut poser des questions aussi réactionnaires avec un appareil aussi révolutionnaire? Alors là, je me suis dit, bon, il a peut-être raison, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Mais on n'a jamais fait la revue parce que comme on ne pouvait pas monter. Et donc, et on a fait d'autres films avec Le Blanc en vidéo. On a fait des films avec des lycéens pendant le mouvement lycéen de peut-être 70, je ne sais pas. Mais on est pas aller plus loin que ça, quoi. Mais on était des défenseurs de la vidéo. On croyait beaucoup dans la vidéo. Et quand j'ai rencontré Daniel, assez vite, on a décidé d'acheter un porte-à-pack. Voilà. Et on a ramené peut-être de Genève, non ? Je sais plus où on l'a acheté. Mais d'abord, on avait fait deux films militants sur les grèves de Cerisay, qui étaient... C'est après l'IP, donc c'est facile à dater, c'est la saison après l'IP, et puis un film sur des Bretons qui égorgeaient des poulets dans des granges. Doux, les poulets doux, voilà, le premier film sur Doux, c'est nous qui l'avons fait, sur les dindonneaux du père Dodu. Et après, on est parti l'été suivant, même pas l'été, le printemps, on est parti à voir à Montréal le vidéographe. Et à New York, la Kitchen. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert l'art vidéo, et après j'ai un peu basculé du côté de l'art vidéo. Mais ça, c'est datable parce qu'on a appris la mort de Pompidou à Boston chez des amis pendant ce voyage. Vous avez fait des stages, je suis sûr. Ah bon. Hein? Voilà, et après, avec Daniel, on a fait des films ensemble, puis chacun les siens. Voilà. Une fois vous avez débarqué chez nous. Oui, et on est venu apprendre le montage chez vous. C'était votre premier film vidéo. C'était Cerisay. D'ailleurs, moi, j'avais pas participé au tournage. C'était un film de femmes, et c'était jeune. C'était Daniel et Annie Caro qui étaient dans le groupe. On a eu un premier tournage où on a eu une poussière parce qu'avec ses porte-à-pâques, il y avait facilement des poussières qui gâchaient tout. Il y avait, quand tu dis ça, dans la table de montage, on avait avec Jean-Luc, on avait inscrit Jean Dibao, la poussière est à la vidéo, ce que le gravier est à la moto. Et donc, on est allé voir Jean-François. On l'avait piqué à vous ? Ouais. C'est drôle, je ne savais pas. Et puis, eux, ils nous ont... Ils nous ont amenés vers les Roussopoulos. Et c'est à ce moment-là qu'on découvrait ce système de montage où il fallait chronométrer les deux magnétoscopes. C'était deux trains qui ne partaient pas à la même heure. Revenir justement avec Paul, parce que pour vous dire la vérité, je viens juste de comprendre il y a quelques jours, parce que Paul m'a réexpliqué pour la énième fois de 10 manières différentes cette technique du montage par chronomètre. Donc il va falloir prendre du temps pour que Paul nous réexplique cette fameuse technique dont tout le monde parle. Donc tu nous la réexpliqueras tout à l'heure.